Chapitre 220, l'invocation à prononcer en voyant la nouvelle lune. 1228. Selon Talha ibn Ubaidillah, radiyallahu anhu, lorsqu'il voyait la nouvelle lune, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, disait « Ô Allah, fais que cette nouvelle lune commence pour nous avec la paix, la foi, la sécurité et l'islam. Mon Seigneur et le tien est Allah. Que cette lune apporte droiture et bienfait. » اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير. الترمذي أدي حديث حسن.